Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3, Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. For questions, call the studio line while the music is playing at 341-0980. Bonsoir, Carol. Bonsoir. Bonsoir, Dana, et bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Et bonsoir à notre invité. Nous sommes très honorés d'avoir Surya Bonaly. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, et merci d'être venu. Avec plaisir. Nous allons commencer la soirée. We should say in English, it's Bonjour Minnesota you're listening to. Carol, Fred, and myself have a special guest here tonight, Surya Bonaly, the Olympic ice skater who has graced ice skating rinks all over the planet with her great athleticism and gymnastic just incredibleness. So we're going to start this evening. I wanted to play a song for Autumn. It's Tété à la faveur de l'automne. On y va. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes isolées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu abandonnes. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Trois, quatre, un peu comme une fredonne de vieille mélodie. Rivé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi, tes allures de garçon rompies un peu la monotonie de mes journées, de mes nuits. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme mon fredonne de vieille mélodie. À la faveur de l'automne tu me donnes à ma mélancolie ces couleurs de superscopie. Voici la vérité nue. Et là, là, mon frère, plus que le mauvais temps s'y mettre, une goutte d'appui, et j'aurais vraiment tout perdu. Voilà, pardon de l'automne, revient cette douce mélancolie. Un peu, trois, quatre, un peu. Oh, Voilà, nous y sommes avec Surya Bonaly. Merci d'être venue. Alors, je m'appelle Dana et Caril Fadé. Moi, je suis Caril. Et Frédéric, Fred. Et moi, Surya. Et il faut vous dire qui vous êtes, Surya. Vous pouvez parler de vous-même ou vous voulez que je le dise? Oh, vous le dire. Je peux dire qu'elle a passé sur la City Pages dans notre ville. Il y avait. Et j'ai flashé tout de suite parce que je vivais en France dans les années 90 à Paris. Et je savais que vous étiez une étoile de patinage. Je pensais que c'était vraiment incroyable. Et j'ai toujours dit, oh, qu'est-ce qu'elle est comme la Nadia Comaneci de patinage. Idol, like. Et tout de suite, je me suis dit, OK, il faut que je le contacte. T'es comme ça pour demander pour que vous championne soyez... Championne olympique. Mm-hmm. Et comme vous habitez ici. 9 fois champion de jeunesse. De France. De France, oui. Et puis, d'Europe, combien de fois? 6 fois championne d'Europe. Et puis, combien? 6 fois championne d'Europe. 6 fois. Et 3 fois médaillée d'argent au championnat du monde. Oui, oui. Oh, professionnel, Fred. Vous êtes Thierry Ardisson avec les... Presque. Pas toujours presque. Arrêter son... Bon, il faut dire aux gens que c'est notre pledge drive. It's pledge drive. Right. Yay. And we are having a special interview today, but the programming that you hear on Bonjour Minnesota, not just Bonjour Minnesota, but KFAI in general, we have 80 programs every week, 80 programs in 13 different languages. So we want everybody in the community to be represented. And sometimes if there's something going on in the community, let's say Black Lives Matter, something political, some sort of issue, people are able to express themselves or say whatever they'd like on the radio. There's no money that's buying influence here. And it also permits us to artistically play whatever music we'd like whenever we feel like it on Bonjour Minnesota, as long as it's French-speaking. That's our format. So we invite you to call and pledge at 612-375-9030 or online at kfai.org. And Dana, we had 2 callers from Montreal just call. Chris and Véronique were listening to the program and they are pledging. And you can too. Call right now, 612-375-9030. And very special about this program is there is a very great lover of the program who says that he or she will equal each pledge. So that's double. If you pledge tonight, this person will equal the pledge. So your contribution makes 2 times. So if you give at $75 level, you get a travel mug or a tote bag or a t-shirt or a special signed print or a $15 electric fetus gift certificate. Those are your choices. But since Bonjour Minnesota is very special, we send you a special signed letter from all of us. And we also put a special gift in there that's outside of all the other gifts. So, and tonight only, you will be entered into a raffle for a 5 punch card at Trilon Micro Cinema where they have French movies. So that's everybody who pledges tonight. Not only will it be doubled, you'll get the special prize and you'll be entered into the raffle. Okay. Oh, that's wonderful. And what is it for? The Trilon? What? The Trilon Micro Cinema. Remember they just had that Jacques Demy film series? Is it series? 1 entrance? 5. 5 entrances? You can go in twice with 2 people, 1 time alone, and you get a free popcorn. That's pretty good. So that's a good deal. Good deal. Yeah. So last year they had a Jeanne Moreau festival. Too. Yeah, the Jeanne Moreau festival. La Veuve était en noir, un ascenseur sur l'échafaud. And they had non, c'était festival l'année dernière. Ah, et Brigitte Bardot, le film, il n'y a pas longtemps, le mois de février, c'était vers le jour de Saint-Valentin, je me rappelle. Bon, let's get back to the interview. Okay, and, so don't forget to call us. Listeners, call us now at 612-375-9030. 9030 or join online at kfai.org. Alors, notre invité, alors, Surya. J'ai des questions. Alors, toi, tu as une question? J'ai une question. OK. Quand j'étais petite, j'adorais faire la gymnastique. Et je voulais être entraînée par Bella Karoly, comme Nadia Comaneci, of course. je me suis demandé combien d'heures, how many hours a day did you have to practice at like the age of 6 or 7 years old? Well, you know, all depends of your coach and the facility where you practice. Mais normalement, on s'entraîne en gymnastique pour le haut niveau au moins 5 heures par jour. C'est le minimum qu'il faut faire pour, parce que c'est une heure par agré déjà. Plus après, il y a le stretching avant et après, donc la musculation. Donc, ça prend du temps, la gymnastique. Et vous étiez gymnaste avant d'être... Non, j'ai fait tout en même temps, pas avant, deux, parce que j'ai commencé très tôt le patinage. Mais j'ai fait jusqu'à l'âge de 17 ans la gymnastique, vraiment, à haut niveau. Wow. Incroyable. Vous devez montrer du talent très jeune pour continuer. Oui. Parce que... Et à quel âge les compétitions commençaient? Commencer à 6-7 ans, normalement, on commence pour, quand on fait du patinage ou la gymnastique, à faire les compétitions. Et puis après, ben, une fois, c'est une par mois. Et puis après, ça devient toutes les semaines, des fois, ça peut. Et puis, aux États-Unis, je sais qu'on a beaucoup de compétitions de patinage. Pratiquement toutes les semaines, il y a une compétition quelque part qui est possible à faire. Donc, il faut faire un choix, en quelque sorte, sur les compétitions. Oui, on choisit, il faut voir des temps de repos, d'apprentissage. Donc, on essaie normalement de faire une toutes les 2 semaines, 3 semaines, normalement, c'est bon. OK. Pourquoi pas passer une chanson? D'accord. Surya, elle a donné quelques recommandations des chansons qu'elle aime. RZA, je m'en fous. C'est qui RZA? Je sais pas, c'est des chansons que j'ai trouvées sur iTunes et il y a comme un channel français pop, French pop, et vraiment je suis fan de ces chansons, j'aime bien, c'est sympa quand je suis en voiture, je fais des longs voyages pour aller à mon travail, alors je mets la chanson française quand j'ai un peu le blues et quand j'ai besoin de me retrouver et parler français. On y va. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour, je m'en fous. Je m'en fous. Arrête, tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi, je m'en fous. Non, je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Tout à tout foutre en l'air. Ouais, au fond, je m'en fous. Rien à faire. Tu as raison, oui, j'ai tort. J'ai bien aimé cette chanson. Qu'est-ce que vous avez... Oui, moi aussi. C'était bien, c'était bien. Mm-hmm. Et ça me faisait penser un peu à Stromae pendant une partie. Oui, un petit peu. Hein. Avec le clavier du canard. Mm-hmm. Qui ressemble un peu à un canard, mais c'était un peu plus rythmé aussi. Un peu. Mm-hmm. Oui, c'est une petite ambiance de fraîcheur, je trouve. C'est sympa. Ouais. Ouais. Alors, moi, j'ai une question. Quand est-ce que vous êtes venu ici au Twin Cities, aux villes jumelles? Je suis commencé à venir il y a un peu trois ans, de venir petit à petit, parce que j'avais rencontré quelqu'un. Et donc, au début, c'était juste les arrêts spéciaux à l'aéroport, tout simplement à l'aéroport, pour faire un stop avant d'aller sur Paris pour mon travail. Alors, je faisais un long layover. Et je demandais à mon agent, s'il vous plaît, promenez-moi l'avion le plus tôt et le plus tard, comme ça, je peux avoir au moins 2 ou 3 heures de layover pour venir. Ah, c'est donc, cool. Je suis venue ça. Et puis après, je suis commencée à venir travailler un peu en 2014, été 2014. Mon ami m'a dit, viens travailler ici, essaie de voir si ça te plaît. Et l'année dernière, j'ai aménagé ici. Enfin, aménagé, je suis vraiment venue pour travailler et venir habiter avec mon ami ici depuis le mois de juin de l'année dernière. Et ça vous plaît? Oui. Je connaissais Minneapolis. Ah parce bon? Qu'en fait, quand dans le temps, dans les années 90 et 2000, je faisais des tours avec Champions and Ice, donc c'est une grande compagnie américaine, et j'ai fait tous les States en spectacle dans tout le pays. Okay. Et le headquarter, en fait, est ici, à Minneapolis. Le patron de Tom Collins, qui est le grand patron de cette compagnie, habitait à Minneapolis, donc... Dans le temps, on s'arrêtait comme une semaine ici en ville, je ne sais pas, de grands hôtels, le Marriott ou je ne sais plus où, ou Market Hotel. Voilà. Parce que mon ex-mari, il était chef. Quand je vous ai envoyé le message. Oh, c'est marrant ça. Et donc, on habitait tout le temps là-bas, tout le temps. Mon ex, il était le chef là-bas. Oh, et j'avais c'est incroyable, tous les Français qui travaillaient dans l'hôtel. Okay. Et quand j'ai dit à Christophe, j'ai demandé à Surya Bonaly venir, bonjour Minnesota, il m'a dit, vous savez, elle passait dans les tournois sur la Champions on Ice. Oui, c'est incroyable. Elle avait parlé avec Julien, et j'ai dit, Julien. C'est marrant ça, vous voyez, comme quoi. C'était à l'époque. Oui, à l'époque, oui. Donc on s'arrêtait ici parce qu'on faisait les voyages comme à Rochester, où on allait à Duluth ou quelque chose. Mais on était santé ici, vraiment, c'était notre QG un peu, à Minneapolis pendant une semaine, donc... C'était sympa. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Minneapolis, mais... Donc, vous connaissez déjà l'hiver, ici? Pas vraiment, quoi. J'essayais d'oublier toujours. On dit, on est juste là 5-6 jours, mais bon, voilà, quoi. Et puis, on s'en va. Okay. Mais jamais un jour, j'aurais imaginé que je serais là plus d'une semaine. Quelle joie! Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, êtes-vous revenu à Nice? Oui, j'essaie de... J'ai ma famille qui est toute à Nice, donc toute ma famille est là-bas, donc je suis obligée de revenir. Mais là, depuis 2 ans, j'ai arrêté de venir, de retourner en France, parce que maintenant, je travaille plus aux États-Unis, j'ai arrêté de faire du spectacle, donc maintenant, je fais du coaching. Donc maintenant, c'est bien plus compliqué pour moi d'aller en vacances ou de retourner voir ma famille en France. C'est dommage. Mais là, je vais retourner au mois de novembre. Je me suis dit, cette fois-ci, il faut que j'y aille. Donc, pour le Thanksgiving, on va partir en France. Bonne idée. Bon. On va juste avoir quelques annonces et puis we'll be right back. Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. It's time to give. Supporting KFAI is easy, affordable, and it ensures that we will stay on the air and in touch with our community. This is station manager Leah Honsky saying thank you for continuing to support community radio in the Twin Cities and around the world thanks to our mobile app and website. Donate today at kfai.org. Bon. Dena, this is Frederick. Oui, tu m'as demandé de pourquoi j'aime KFAI. En français ou en anglais? Les deux. J'aime beaucoup KFAI pour la diversité des émissions et les changements, que ce soit les différents sujets ou les différentes langues, et m'immerser un petit peu dans différents styles, que ce soit de musique ou d'invités, enfin the different cultures. So I like KFAI for the variety and the diversity, culture, music, the various topics. So I think it's great for people to be able to do their show and to be able to express themselves on something that they really care about. And how do you fit in to our team at Bonjour Minnesota? What is your role? Well, I brought chocolate. You win. You win. What was it? T'as gagné. All right, okay. No, our listeners should call. Mm-hmm. You can call this number anytime when we're playing music or talking to pledge. And what's in it for you? Well, tonight, and this is the only night Bonjour Minnesota is going to be on to pledge. Oh, I thought we had next week, too. No, it's a short pledge. And anybody calls in can get their gift to the radio station. Besides all the goodies that the radio station is giving away, they can get doubled. There is a donor who is going to equal your pledge. So what a deal. So every contribution is matched. And, well, since we're only doing it 1 week, then I can say that there's going to be a raffle not only for entrance to the Trilon Micro Cinema, but also a gift certificate for two people to Sanctuary for $50. So there we go. Sanctuary. Tell them what Sanctuary is. Sanctuary. Our friend Patrick Atenalian, who has been on the radio show with Christophe, Il est de Marseille. He was at New French Cafe when it opened, the old Loring in Loring Park, once upon a time. He makes the most incredible food, and it's vraiment... He's very creative. Super creative. So if you'll be entered in the raffle to win a ticket, to win a gift certificate for that, plus the gift certificate for the Trilon Micro Cinema tickets, as well as... At the $75 gift level, you get a travel mug, a tote bag, a T-shirt, or a signed print. Well, or, you know, they're one of those. You got to pick one of them. But you're supporting public radio. You're supporting our ability to create whatever we'd like. Without you, we couldn't do it because this is people-powered station here. Could you imagine a radio show where we can play whatever we feel like and say whatever we feel like? I mean, almost. Yes. I mean, almost. I told you about a lot of really crazy things on here. Like 5 heures du matin, les boîtes de nuit et des choses folles qui se passent à Paris des fois. Ah oui, en France, c'est possible. C'est possible. Mais ici, je ne connais pas. Je ne suis pas sortie encore. Non, c'est pas ici. Voilà. Ce n'est pas 5 heures du matin. Bon. Non, non. OK. On va continuer avec Surya Bonaly. That number? Oh. Okay, let's give them a studio line and ask our special guests some more questions, and then we can have her give us a musical choice. So you can join online at kfai.org or call us now at 612-375-9030, and you will have the pleasure of keeping a great radio station going. We need you. Mm-hmm. Alors, Mademoiselle Surya Bonaly. Surya. Surya. Oui. Ça veut dire soleil. Soleil en hindou. Ah, je ne savais pas cela. Mm-hmm. Soleil en hindou, c'est joli. Goddess of the sun. So. The sun goddess. Mm-hmm. Wonderful. Alors, how do you stay so energetic? Like, do you have a special diet? Do you continue to eat like French foods, or would you say you have a regime? Well, once you're French, I think you have to kind of keep it up and always kind of eat French, I think, even though you live in another country. Donc, j'aime bien manger, faire mon marché d'abord le week-end et puis après pour la semaine. J'essaie de faire la cuisine chaque soir à la maison quand je rentre. Je trouve que c'est bien français et j'ai été élevée à toujours faire à manger, même si ça dure 5 minutes ou une demi-heure. J'aime pas réchauffer les plats ou les frozen meals, j'aime pas ça du tout. Donc, j'essaie toujours de faire beaucoup de légumes, tout ça, c'est primordial, des salades. Et puis après, on voit. Mais j'aime bien. Et puis, j'apprends à mon ami de faire pareil. Et puis, je pense que c'est une bonne attitude de faire comme ça. C'est Est-ce quoi? Que vous faites de la cuisine provençale? Un petit peu, oui, ça m'arrive, oui, parce que comme je suis du sud, donc je connais un petit peu. Mais après, c'est vrai qu'il faut avoir le temps. Mm-hmm. Et puis, il faut avoir des gens qui viennent à la maison. Souvent, c'est plus agréable quand il y a plus de personnes que quand on est tout seul. Oui, ou à deux, c'est vrai que c'est... Et quand on est fatigué, qu'on travaille beaucoup, on n'a pas besoin des grands plats. On veut dire quelque chose qui soit facile à manger et puis hop, on va se coucher. Mais, ouais. Quelles sont les choses de la France qui vous manquent le plus? Oh, les films français, en premier. Les films français, les baguettes, les fromages. Bien qu'il y ait des magasins, il y a des bons fromages ici, mais quand même, je suis fan de fromage français, tout ça. Et puis, les bonnes baguettes, les bons croissants, tout ce qui est bien français. Mais bon, je sais qu'on peut tout trouver si on fait vraiment les magasins. Il doit bien y avoir des magasins vraiment exceptionnels ici, mais... Il y en a, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'y aller. Oui, surtout qu'il faut aller à un magasin spécial. Qu'en France, on va n'importe où et on trouve tout de suite l'idéal pour, nous, pour se faire plaisir. Quoi. C'est vrai qu'il y a toujours une boulangerie pas très loin. Et puis les fleurs, je pense. Ici, on a toujours des magasins de fleurs partout en France. Ici, ça ne se fait pas beaucoup. Des fois, à l'entrée d'un magasin, d'un grocery store, on a des petites fleurs, mais bon, ça ne donne pas vraiment envie d'acheter. Qu'en France, c'est presque des musées. Chaque magasin a sa spécialité, des fleurs différentes, beaucoup de variétés. C'est beau. Oui, c'est vrai d'avoir des bouquets de fleurs frais. À la maison, ici, c'est considéré comme le luxe. Mais oui, c'est juste que quand c'est dans les lobbies, des hôtels ou des choses comme ça, et puis voilà. Mais en France, c'est normal d'acheter des fleurs, d'avoir des fleurs frais dans le salon. Exactement. Je tâche d'en avoir parce que j'aime bien les fleurs. Oui, mais heureusement, j'ai la chance, mon ami, une fois de temps en temps, il m'achète des fleurs, donc... Oh, c'est bien, c'est gentil. J'espère bien. qu'est-ce qu'on a comme choix de musique? Ah, ben, y a une petite sélection, mais en ce moment, j'aime bien écouter Christophe Maé. Je sais pas, il a l'air d'être assez jeune et puis il a des musiques vraiment sympas. Alors, je sais pas si on connaît ça ici dans le Minnesota, mais c'est agréable à écouter, surtout en voiture. OK. Et le titre de cette chanson, c'est quelque chose avec le bonheur. Donc, des fois, je me dis, quand j'ai un peu le blues, je dis, il faut que j'écoute ça. Ça me redonne du tonus et puis il faut que j'ai du bonheur un peu plus. Alors, j'écoute la musique, ça me redonne du punch, ça me boots. On y va. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur, il est là, il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? réfléchis le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là. Bon, j'ai bien aimé cette chanson, beaucoup. Que du bonheur. Il est de Vaucluse, c'est ça? Du Vaucluse. Vaucluse en France. Mm-hmm. Et il a beaucoup de succès. Il avait commencé à jouer le violon à l'âge de 5 ans. Ouais. Wow. C'est bien, hein? Mm. Mais I want to remind everyone that it is pledge night and we would like people to call in and pledge their support so that we can exist and have Bonjour Minnesota. So call the studio line at 612-375-9030. Caril? This is your only chance. It's going to be a brief fundraiser this time, 1 week. So if you would like to take advantage of that and show your support for Bonjour Minnesota and all of the great programming here, call us right now. That number again is 612-375-9030. 612-375-9030 or online, kfai.org. Now, you didn't ask me why I know, it's your why turn, I like Carol. Bonjour, Minnesota. Well, I've been on for a long time. I was with Georgette, the founder of this show. And but why do I still like it? Well, it's because it's an insight into another culture. It's wonderful. You don't hear French music anywhere else but here. We're the only French program, unless you turn into Canadian programs. So, if you'd like to hear wonderful, great, innovative French music and about all the things that are going on in town, if you love things French, call and pledge your pledge to Bonjour Minnesota now, 612-375-9030 or kfai.org. All right. Alors, si vous aviez un peu le cafard ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français, il faut y aller à l'Alliance française, n'est-ce pas? Parce que si on est membre, on peut regarder avec l'ordinateur ce qu'ils appellent le culture tech. Okay. Ça donne accès à tous les journaux français chaque jour. Mm-hmm. Vous pouvez rester chez vous. Regardez tous les journaux, les revues, la dernière musique, tout ce qu'il y a. Mm-hmm. C'est magnifique, wow. C'est vraiment... Oui. L'Alliance française a aussi beaucoup de films, de DVD en français, et beaucoup, beaucoup de livres dans leur bibliothèque. Donc, oui. Même des livres pour les enfants. C'est chouette. Y compris les cours, les classes. Oui, ils font beaucoup de classes. Pour les petits et les grands. Oh, c'est intéressant, il faudra que j'y aille un jour, mais... J'ai jamais eu le temps ni l'occasion. Oui, c'est vrai. Difficile. Oui. Ils ont souvent des petits-déj. OK. Le premier samedi de... Du mois. Du mois, okay. Oui. Et ça, c'est bien parce que c'est très relaxé. Mm-hmm. On peut y aller en mangeant des petits pains et du café au lait, ou du chocolat si on veut, et faire la connaissance d'un tas de gens qui parlent français. C'est bien ça. Oui. J'ai juste une annonce et après, on va continuer avec l'interview, la conversation avec Surya Bonaly. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and the Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. Tune in to International Jazz Conspiracy, now on Wednesday nights from 10 to midnight for 2 hours of eclectic music. An adventure in sound. A journey into the tone world. International Jazz Conspiracy, Wednesdays from 10 to midnight here on KFAI. Alors, c'était quoi en Nice qu'il faut manger? Les spécialités de Nice, ce sont les pains bagnats, les vrais pains bagnats de Nice. Au bord de mer, normalement, vers le port, il y a toujours des magasins spéciaux ou des restaurants où on peut trouver des pains bagnats. C'est vraiment une spécialité vraiment de là. Enfin, c'est tout simplement un sandwich, comme une boule de pain, et dedans, on met plein de. Un peu la salade niçoise, un peu. Oui, un peu comme ça, du thon. Enfin, c'est vraiment la salade niçoise, pratiquement, je pense, dedans. Tout mélangé avec de la bonne huile d'olive. Et c'est bon. Depuis que je suis petite, j'adore ça. Même si c'est pas bon pour le régime, mais juste de savoir le pain bagnat, je sais que c'est délicieux. Quoi. C'est super bon. C'est souvent une pause que je fais à Nice, manger un pain bagnat ou la soca. Ça, c'est bon, La soca, c'est une spécialité. Je crois que c'est des pois chiches écrasés, quelque chose qui font comme une pâte. Et ça se mange comme des frites, quoi. Juste comme ça. C'est cuit au feu de bois. Et ça se mange et c'est délicieux. Ça, c'est... You must do it quand on est là-bas. C'est jamais en anglais? Je parle... Un chickpea, quelque chose avec le chickpea, d'accord. Peut-être? Peut-être un chickpea. C'est comme une pâte, comme une crêpe, un peu. Fait au feu de bois. Mais vraiment, c'est incroyable. J'ai jamais mangé ça. Non, moi, j'ai jamais essayé non plus. Oui. Mais souvent, elle est comme ça, c'est comme ça dans la rue, comme ça, ils font vraiment la spécialité de Nice, quoi. Incroyable. Ouais. Je ne suis pas restée assez longtemps à Nice. Je n'y suis allée qu'une fois. Ou la pissaladière aussi. Ouais. La pissaladière, c'est bon ça aussi. Pissaladière, oui, c'est bon. Oui, ça, c'est une bonne. Qu'est-ce que c'est? Pissaladière, c'est une pizza en fait avec des oignons, que des oignons, un peu sucrés, donc c'est bon, et puis et des olives dessus. Ah, je pense que j'ai déjà mangé dans une boulangerie à Paris. Oui, mais à Nice, c'est la vraie. Oui, c'est ça. Avec des olives, bien sûr. Excuse-moi. L'odeur. C'est de la récupération. Voilà, avec les odeurs et tout bien fait, frais. Alors, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le voyage. Alors, Nice est très vieille et très intéressante. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous aimez faire à Nice? J'ai la famille là-bas, je suis née là-bas, donc pour moi, même si j'y habite plus depuis des années, mais ça fait partie de moi, de cette ville. Et c'est juste beau, voir le marché aux fleurs, obligatoire de passer au marché aux fleurs. Il n'y a pas que des fleurs, mais ils vendent de tout, c'est tellement frais, c'est vraiment homemade. Oui, donc c'est super, c'est naturel, c'est rien à voir. Toutes les odeurs des légumes, des tomates, des fruits qui sortent vraiment de l'agriculteur. Et c'est exceptionnel d'aller ce marché. C'est un des meilleurs marchés du monde, je trouve. Oui, c'est tout à côté de Grasse. Nice, voilà, c'est la fabrication. Des savons, c'est ce parfum, savon, tout ça. Oui. Mais là, Nice, c'est vraiment au bord de mer. Donc, on est vraiment le matin. Mm-hmm. C'est à celui qui va le premier chercher son poisson le plus frais ou le fromage, les fleurs qui sentent. Les fruits de mer. Les fruits de mer et tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment quelque chose à voir et un passage obligatoire. Oui, dans la vieille ville. La dernière fois que j'y étais, 2 ou 3 ans, nous avions un hôtel tout dans la vieille ville. Les rues sont toutes petites, on ne peut pas y aller. Oui, c'est vraiment. Il faut aller avec une mini ou quelque chose si l'on ne passe pas. Quoi, mais c'est beau parce qu'on s'oblige à marcher. On marche des kilomètres parce que ça tourne, on tourne des petites rues. Et puis tout est vraiment fait à l'ancienne. Plein de restaurants. Magasins, toutes sortes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme chanson?

Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. J'ai une annonce. Well, we've just had another pledge come in, and it was from the Alliance Française. We thank you very much for your pledge. They are frequent listeners, all of them down at the Alliance Française, although we are not connected with them, but we like to have different things going on here. Merci beaucoup, Alliance Française. And join Véronique and Chris from Montréal. Call now. This is the only week you're going to get a chance, and you know you want to do it. Call in here. That number is 612-375-9030 or online at kfai.org. What I want to let people know is that KFAI started in the 1970s, and they were only broadcasting only in a little neighborhood area. From the Walker Church. The Walker Church. The old Walker Church. And it went on to be, community rights. It began people who were emigrating in the the area, and they didn't have a voice. They had a radio show. And ever since then, there are radio shows that go back all this time. I mean, we've had greats like Charles Brin, who would do his story hours with Burl. Yes, Charles was a star on Broadway at one time. Mm-hmm. He was a real actor, and he read stories on KFAI. Right. Along with Beryl. And we have great things like Democracy Now, which is, you don't have, what Amy Goodman and Democracy Now, they cover everything that's going on, but with the true voice of the people. It's not money funded. So I just want to let people know that KFAI is free voice, True Liberty Radio, 612-375-9030. Dana, I had somebody ask me, isn't that program financed by another unnamed station, public station? Mm. Well, not at all. We don't receive any money except from a couple of, we used to, I don't know if we still do, grants, mm-hmm. and from you, our listeners. So, call us now. Your chance to say you like the show, you like the programs. It's on kfai.org or 612-375-9030 and get your pledge doubled mm-hmm. tonight only. Well, tonight you get entered into the drawing also for the Sanctuary Dinner gift certificate. So it's a great opportunity. Every pledge is doubled. Mm-hmm. Plus, you get all the prizes, plus you're entered into a raffle. And you can pledge from a minimum. I don't know if the operator can tell you, but you don't have to pledge a huge mm-hmm. pledge. No, whatever. We're happy to have all of you call and tell us how you like the shows. All right. So, what is our next question for our special guest? Question. Mm-hmm. Alors, Qu'est-ce que vous faites maintenant, Syria? Bien, en fait, je suis venue ici pour travailler en tant que skating coach. Donc, je suis prof de patinage. Et, où ça? En fait, un peu dans tout Minneapolis. Ah bon? Donc, je fais à Blaine, à la patinoire, le National Center, Sports Center, mm-hmm. À Parade, qui est pas loin du Walker, le musée. Parade Center. Yeah. Et je fais aussi Bloomington, tu sais, et Braemar plus aussi. Donc, je travaille dans ces patinoires assez souvent, dans toute la semaine. Donc, je change tous les jours deux ou trois patinoires, et Maple Grove aussi. Okay. Et vous avez des élèves de quel âge? J'ai des élèves de tout âge. La plupart du temps, 9 ans, de 9 ans jusqu'à 15 ans, il n'y a pas d'âge. Il y a aussi des adultes. Donc, en cas, s'il y a des adultes qui écoutent, qui veulent faire du patinage, on ne sait jamais. Mm. You can come and on peut essayer. Oh, c'est sympa, je donne des cours. If you want to learn how to improve your skating, skate, yeah, why not? You can have a great star here, an Olympic winner, and for your teacher. Yeah, so I've been teaching for like about almost 15 years now, and I teach now here for like over a year now. I'm very excited to be teaching here. It's very nice, very, very beautiful place to train here and to teach, you know, because there is a lot of skating facilities and has a lot of skaters, so a lot of choice, so it's good for, for a coach to be able to teach whenever you want. I was going to ask if there was a big difference between Minnesota and maybe like, I mean, other places where you taught. Yeah, like, you know, I came from Nevada. I was teaching there for many, many years, and I still live there. I still have my place, but skating is not very popular. So, là-bas, il n'y a pas beaucoup de monde. Même s'il fait très chaud, les gens ne font pas spécialement du patinage, n'ont pas vraiment la mentalité pour faire du sport de haut niveau. Donc, c'est trop détente. Ici, à Minneapolis, les gens font du sport, le patinage, le hockey. Même s'il fait froid, on va à la patinoire. Les patinoires sont toujours pleines. Il y a toujours du monde. Donc, comme à Blaine, au National Center, il y a comme 8 patinoires side by side, côte à côte. Wow. C'est incroyable. You know, 8 skating rinks side by side. It's like, I never seen this in my whole life. So, you have to come here to see that. Oh, is that like the Blaine National Sports Center? Yeah. 8 rinks. It's crazy. You know, so, and they can be full, all of them, on the same day. So, En France, est-ce que les patinoires sont publics ou est-ce qu'ils sont privés? En France, c'est public. Enfin, c'est plutôt les mairies qui gèrent, ça appartient à la ville, à la commune. Ici, c'est beaucoup de privés. Et puis sinon, c'est un peu plus la ville, peut-être, qui s'occupe un petit peu. D'accord. Mais je sais qu'à Las Vegas, c'est totalement privé. Alors, il y a des gens qui sont fans de patinage ou de hockey. Donc, ils investissent dans une patinoire, dans le building. Et puis, voilà. Mais ici, il y a beaucoup de hockey. La mentalité est très, très portée sur le hockey. Where was the most exotic place that you were to ice skate? Oh, I went to Malaysia to skate. That was kind of something different. Or I skated outdoor in Guadeloupe, you know, in French Island, Guadeloupe or Martinique. You know, it was totally outdoor, so it was kind of nice. Or Saint-Martin also did it. It's pretty hard there. Saint-Martin, too. Yeah. How did they keep the ice frozen? Oh, that was kind of, you know, it was very difficult, but it was good. Oh, it was kind of hard, you know. But, you know, for shows, people are willing to do anything, and they bring the ring from Europe, and they try to refrigerate it and make it happen. C'est la vraie glace avec avec de la glace. Non, ça prend 4-5 jours pour la faire. You know, si on est vraiment rapide. Et ça prend du temps quand il fait très, très, très, très chaud. Mais bon, pour les gens qui n'ont jamais vu la glace ou du patinage, juste à la télé, you know, des fois, ce sont des événements qui font rêver. C'est une expérience unique. Alors, oui, je suis arrivée là-bas. Ou patiner à Santo Domingo. Donc voilà, donc c'est assez exceptionnel, quoi. Vraiment, dans un stade, et puis voilà, quoi, avec la chaleur qui fait 35 degrés, et puis on patine comme ça dans un stade de foot. Wow. Ou à La Réunion, ça m'est déjà arrivé aussi de patiner à La Réunion aussi, pareil, en extérieur. J'ai une question personnelle, vu Suzanne, vous jeune. Pourquoi vous n'avez pas l'accent de midi? parce que je suis plus allée en France depuis un bout de temps, mais bon, il suffit que je reste 2 heures à Nice et puis ça y est, je le retrouve tout de suite. Ça revient tout de suite, oui, oui. Est-ce que vous faites des patins roulettes? Un petit peu comme ça pour m'amuser, mais c'est rare, c'est très très très rare. Mais ça m'est arrivé comme il y a 4 ans et 5 ans, j'ai fait un marathon à Montpellier. J'étais la marraine du marathon dans la ville. Uh-huh. Et ils m'ont dit, il faudra le suivre en patin roulette. Au début, tu fais juste le démarrage. Et puis, je me suis retrouvée à faire les 42 kilomètres parce que plus personne ne pouvait me récupérer. Il fallait que je sois au départ et à l'arrivée. Donc, ils m'ont dit, vite, vite, le champion, il arrive. Il est derrière toi. Donc, pousse, il faut que tu arrives avant lui. Alors, voilà, quoi. C'était assez rigolo. Yeah. They used to do the St. Paul inline marathon. And like years ago, Uh-huh. And after that, like, I think it was just for a couple of years. And after that, they switched it to like a half marathon. Mm-hmm. So it's in August. Oh, okay. Yeah, and it's a half marathon. And it's by, what's nice about it is it's by the river. It's on Shepherd Road. So it starts like downtown St. Paul and you go down Shepherd Road and you come back. And it's pretty nice. The full marathon was like, I almost died. But yeah, the full marathon is kind of big, you know, because you have to push and use us. Yeah. I guess you need the proper equipment. I was not prepared for that. You know, they just give me some skates and say, hey, just say hello, be pretty, and just make sure everybody's in line for number one. And and I suffer for like 3 hours, but I made it, you know. I made it. Yeah, that's cool. Yeah, so I think if you have the proper equipment, the correct will, I think it's fine. Mm. Plus, you have good training, too. I mean, yeah. Well, I didn't train. I tried in a parking lot in my skating rink. I said, I think I can hold on the skates. I don't fall. I think it's okay. Okay, let's go. I was like, you're still an athlete. I was not prepared at all, you know. We want to remind everyone that you're listening to KFAI 90.3 FM, 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. The program you're listening to is Bonjour Minnesota, and we invite you to pledge your support tonight at 612-375-9030. And this is your last time you can do this. The pledge drive is for Bonjour Minnesota only tonight. And for that, oh, j'ai pas dit ça, oui. Alors, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota sur Fresh Air Community Radio 190.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. So I'm telling our audience that this will be their last chance to give their donation for Bonjour Minnesota, and with that there's some wonderful benefits. First of all, a generous donor is going to equal your pledge. Mm-hmm. So that means if you give $50 tonight, the person will give another 100, 50, right? 100 total, up to 500. Right. So if you give $250, the total will be 500. Right. What a deal. So yeah, and contribution counts even every more. Yes, and matched. You know it's tax deductible because we are a tax deductible company and here. Nonprofit? Mm-hmm. Nonprofit here. So you can count us off on your taxes. And also, there's all kinds of goodies that the station is giving away, a handbag, a shirt, a T-shirt, a poster, and so on. And then there you'll be in the drawing for this great dinner gift certificate. What's the name of his restaurant? Sanctuary. Sanctuary. He doesn't own the restaurant, but he is a guest. So yeah, Sanctuary. Oh, nice. Philippe. Oh, merci, Philippe. Philippe came to my house and brought an incredible bread last night. I had a French dinner party. Merci, Philippe. He pledged. Ah, merci, Philippe. Well, Philippe, you're going to, everybody who pledges is going to get the special letter. Did you ever get a special letter from us, Fred? I got a card. I got a card. Yeah, it was very nice. Okay. I found it today. Oh. Yeah, I'm cleaning up my house to move, and I found the card today. I think it was Sagrada de la Familia from Barcelona. It was the church, and yeah, it was handwritten saying thank you. It was from my vintage postcard collection. Yeah. See, you pledged to Bonjour touched. Minnesota. You get a special card from Olaf, Carol, or my card collection. These are special things that we send to you. We put other things in there. It's outside of the list of prizes. They're crazy cards. We break the rules here. We care. You know, you contribute and you get a travel mug, a tote bag, a T-shirt, a signed print, or this Electric Fetus gift card. Oh, wonderful. Incredible things. Here's a pledge from the Shampoo family in St. Paul. Thank you so much. Your pledge is greatly appreciated. Merci beaucoup. Merci mille fois. Well, that's wonderful. So we will enter those in the drawing for the wonderful restaurant dinner. The Trilon microfilms, which has wonderful old films and comfy seating. It's like the best thing about that micro cinema, see, since I was able to be part of Bonjour Minnesota, I called them because I knew they had French movies, and I made this deal. I said, hey, we have a French radio show here. Every time that you have a French movie, can I give some tickets away and I'll give you some publicity? Because they know that I go there and I watch movies by myself fiendishly, like I pretend that I'm living in Paris. You know the way Paris is with all those little cinema. That's France. Mm-hmm. I mean, France, all the cities have the great cinema. Mm-hmm. So that's, if you pledge, you're going to be in a raffle to win the 5-entry card to Trilon and so many other different prizes. So, oh, call now. Our number once again is 612-375-9030. Or online, Frédéric? Sur kfai.org. Et maintenant, merci beaucoup aux personnes qui ont donné l'argent. Mm-hmm. Thank you so much to the donors who supported the radio station and KFAI and Bonjour Minnesota. Mm-hmm. I have a question for Surya. Encore des... avez-vous toujours les costumes? Toutes les costumes sur la glace, avez-vous beaucoup de costumes? Oui, bien sûr. Oui, on peut les garder? Oui, j'ai tout gardé. Ah. Parce que la plupart du temps, c'est nous, les patineurs, qui les achetons, mm-hmm. qui les faisons faire. Donc, c'est à nous, on les garde. Ils sont et puis, j'ai toujours voulu les garder, pas les vendre. Donc, souvent, ils me disent, oh, tu peux les vendre? Je dis, non, je garde. Et j'ai de la chance, j'ai pas beaucoup grandi depuis l'âge de 18 ans. Donc, si je veux, je suis capable de rentrer encore dans mes costumes. Donc, c'est assez sympa. Il y a juste l'élastique qui a peut-être séché. Des fois, qu'il faut changer. Mais sinon, des fois, c'est bien, c'est pratique. Et puis, c'est un bon souvenir. Chouette. Mm-hmm. Cool. Ça doit faire une grande garde-robe avec. Oui, depuis avec des années. Et puis, dans le temps, ma mère me faisait mes costumes. Donc, j'ai des costumes, oui. Et des fois, on changeait les costumes. Toutes les compétitions, toutes les trois compétitions. Donc, une période, j'avais des costumes tout le temps, toujours quasiment neufs. Et puis après, j'ai des designers qui m'ont aidé, qui m'ont fait des costumes, tout ça. Donc, c'était lequel votre préféré? Oh, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai eu la chance. D'avoir fait les Jeux Olympiques en Albertville en France et donc j'ai eu une incroyable chance d'avoir Christian Lacroix qui a décidé de et accepté de me faire mon costume pour les Jeux Olympiques et il m'a fait 3 costumes donc c'était exceptionnel, même 4 parce que il y a 2 ans j'ai participé à une grande tournée de spectacle en France qui s'appelle Holiday on Ice. Et c'était les 75 ans, l'anniversaire, grand anniversaire, 70 ans d'anniversaire. Et donc, ils m'ont demandé de venir, de faire 4 mois de tournée dans toute la France avec le costume Christian Lacroix. Et donc, on n'a pas touché l'original, mais ils m'ont refait exactement la même avec les seamstresses et les couturiers de Christian Lacroix pour me refaire exactement la même chose. Donc, c'était assez exceptionnel. Une expérience vraiment incroyable, inoubliable. Oh, c'est génial. Merci. Formidable. Ouais. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de les garder. C'est vraiment bien. Non, c'est... Est-ce que vous allez faire des programmes en solo, peut-être? Non, le problème, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai travaillé énormément et puis j'ai passé un âge où maintenant c'est un peu plus difficile de travailler. Et puis j'avais des problèmes de santé, donc il y a 2 ans, j'ai travaillé pour la France beaucoup. J'avais fait 4 mois en France de spectacles dans toute la France. Et puis j'avais fait pendant 3 mois une émission de télévision qui s'appelait iShow. Qui a duré longtemps et c'était sympa, c'est un peu l'équivalence de Dancing with the Star mais sur glace c'était vraiment un beau projet, vraiment typique français, vraiment homemade French et j'ai passé énormément de temps et j'étais fatiguée quand je suis revenue, j'avais des problèmes de santé. Donc, ça fait maintenant bientôt 2 ans, au mois de novembre, ça va faire 2 ans que j'ai plus fait de spectacle et que j'entraîne et que j'essaie de récupérer ou de me remettre en forme ou juste de me soigner. We have another pledge here from Louise. Merci bien, Louise. Merci, Louise. Merci, Louise. Oh, wow. Et à l'écoute. Your gift will be doubled. Mm-hmm. And so, thank you so much. We appreciate your support and we appreciate your nice remarks. Merci beaucoup. when people call in who I know, I think that they're going to take me to the movies if they win the raffle. That's what you hope? That's funny. That's how intimate we are here. Bon. Donc si je donne de l'argent et que je gagne un ticket de cinéma, tu veux que je t'emmène au cinéma? Pourquoi pas. Bon, faut déjà que je gagne. Et que je donne de l'argent. Oh, especially for that wonderful dinner. Oh, the drawing. Mm-hmm. The drawing, no matter what your pledge, will be. When do you have to set the date or? When all the information. It needs in, to I be. Suppose. We want them to pledge tonight. It needs to be during the pledge drive season. It's a very short pledge drive. Yes. In order to be included in the raffle, so. We can assure you that no other programs are, anybody who pledges for any other program, they're not included in the raffle that we have for our mm-hmm. dinner gift certificate, the movie theater items, or all the booster support. So our special booster, was that it called? Yes. Yeah, our special our, match. Our donor who doubles everything. Mm-hmm, our double. Nice. That is a pledge drive donor. So we only have this week. Mm-hmm. So call right now. Call in and make your pledge. If you pledge 50, it'll be 100. So mm-hmm. shall we we'll give them the number. So yes, 612-375-9030 or 612-375-9030. And we should announce that our guest tonight is Surya Bonaly, the great Olympic star, and she has gathered so many different. She was a junior champion of how many times? I don't even know. And then champion of France 9 times? Yeah, it was like for skating? Actually, 10-time national champion because I used to do pair skating, so I had a title. Oh, you did? I didn't know that. So, well, it was fun. It was good years. All in the 90s, you can say. And then you're the master of landing flips. Yeah, yes. Backflip. I was kind of the creator. And the ambassadrice de salto arrière, comme on dit. I remember the dramatic spins mm-hmm. up high, and I don't know how many times you were spinning then. It was just amazing athletic ability. Oh, so we want to thank you for coming in tonight and joining us. Oh, you're welcome. C'est agréable, c'est super sympa. Mm. De parler français même déjà comme ça, depuis une heure qu'on parle, c'est ensemble, c'est chouette. Vous êtes bienvenue. Ah. Hein. Merci. Merci bien d'être venu. Mm-hmm. Un plaisir de faire votre connaissance. Merci. Et puis, comme vous habitez ici, on va vous tenir au courant des choses qui se passent en français. Comme ça, vous faites partie de notre communauté maintenant. Mm-hmm. Et puis, on va vous remercier d'être venu. Nos auditeurs sont vraiment ravis aussi, je crois. Et on va écouter un peu de la musique, un peu de la France. C'était quoi le premier choix que vous avez amené ce soir? Charles Aznavour. Mm-hmm. Charles Aznavour. Parce qu'il était à New York, il donne toujours des concerts mm-hmm. à son âge. Wow, c'est incroyable. Il a 80. J'ai l'impression de le voir, j'ai jamais vu. Oui, je suis fan de ses chansons, mais. Il a enregistré avec Zaz, mais sa voix a beaucoup changé à son âge. Moi, j'imagine, mais il a un talent incroyable, donc tout le monde l'adore. Oui. On y va? Call now. That number? Mm-hmm. 612-375-9030 or kfai.org online. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, okay, we have a funny moment. That song, who sang that song? Charles Aznavour. Et trop le titre, connu. C'est La Bohème. And who do we have who barges into the station, into the studio, but Nicolas, and your radio show is the Balkan Jam, right after Jamboree, remember? Sorry, I cut it off. I call it Balkan Jam, like Jamboree. In short way, maybe, yeah, you can say it. And so what did you say? You came in, you heard this? Yeah, I hate because I was in the foyer, in the, you know, here in the station. And when I heard the song, I came to say that I remember the song from my youth, maybe more than 40 years ago. They play all around. I was in Bulgaria, of course, at that time, very young boy. And I remember from the radio station, a song which was played a lot, and I don't speak any single word French, but I know as a melody, note by note, how sounds everything. Wonderful. Yeah. Merci, Nicolas. Merci. I'm glad. Good luck. We'll see you in 45 minutes. Yeah, exactly. Okay, tout à l'heure, Nicolas. Merci. See, this is what's international about KFAI. You That's have people right. from all over the world, and then we get to exchange ideas. Sometimes it's just obscure music or heavy metal

It's time to give. Now is the time to ensure KFAI stays on the air, to be the broadcast voice for all of the Twin Cities communities. Music, art, foreign language programs, in-depth news and public affairs are all broadcast every day, thanks to your membership support. Manta, Sadaqa Dada, Kudarso, KFAI.org. Give today at KFAI.org. Well, those last ones, mm-hmm. we heard first of all Charles Aznavour, La Bohème. When Nicolas came in and told us it was a song that he heard when he was a child in, where was he from now? He was from Bulgaria. Mm-hmm. And the second one was Charles Aznavour with Edith Piaf, which was, I believe, recorded after her death. So it was one of the things like... Like Nat King Cole and his daughter. Yes, yes. And you said that Aznavour was a pianist for Edith Piaf beforehand. I didn't know that. They didn't really sing together. He wanted to perform with her, and it never happened, so he made it happen posthumously. Okay. Nice. La chanson était plus bleu que tes yeux. Ah oui, j'ai pas dit. Merci, Frédéric. So, est-ce qu'il y a des annonces de l'Alliance? Bien sûr, mais d'abord, je veux dire, call now, for this is, we don't have much time left. Right. At 10 o'clock, we go off, and pledge night will be over for Bonjour Minnesota, and that's such a good time to show your appreciation of Bonjour Minnesota and French music, because there is a terrific additional thing that we have a donor who will equal your pledge. Mm-hmm. And so if you pledge $50, it's $100. If you pledge $100, it'll be $200. Mm-hmm. And up to $500. So if you pledge $250, $500. Plus you get a carte postale or some sort of special note from Carol, Olaf, myself, maybe Louise, maybe Fred. We'll be signing a card for sure. Plus we have some special Bonjour Minnesota things that we have. This is outside of being entered in the raffle for Sanctuary and Trilon Micro Cinema. Plus, then there's all these other things that you can win. I mean, if you donate at least $75 a year, you get the travel mug or a tote bag or a t-shirt designed by Elmer. You get this limited edition signed print, which I don't know if you've been to the KFAI page, but they have a picture of a guy who looks like a Rastafarian guy, a musician here on the West Bank, and that you could say there's a lot of guys who look kind of like Bob Marley on the West Bank, but I actually know who the guy is who's in the poster. As soon as I saw it, I knew he's this young piano prodigy who plays downstairs at Maps Cafe, who blew me away with his ability. And anyways, I think that's who's depicted on the poster. Oh, cool. Well, what was interesting, did you notice that there was a picture of the Earth out his window? No. So he's not even like on this planet. Off of the planet. Yeah, that might be him. That's totally my friend. Here's some announcements from the Alliance Française of what's going on in the Twin Cities. Lecture Facile, Beginner Book Club, first met on the 17th of September, Saturday, from 2 to 3. They will be continuing to read, and I believe it's once a month. But check with the Alliance on that. Saturdays, 2 to 3. Navigateur de la Littérature, Intermediate and Advanced, will be meeting on Wednesdays from 6 to 8. And here's something for expats. Some of the people who are like French people, there are 1.5 million French people that live outside of France. That's quite amazing. I have no idea how many in the United States or even in the Twin Cities. But those people, maybe including our two friends sitting here, might have some financial problems or language problems or personal problems. Well, there's something for you here. There's going to be, this is on, it was last Thursday. Sorry about that. What's that? What was it? It was a meeting for people, French people, who are living in a foreign country. Oh, okay. We could always talk to the Consul Général de la France, Christina at the Alliance Française. Yes, of course. Si jamais... Besoin. You have besoin pour les papiers ou des visas. Oui, elle est mariée avec un Marseillais. Oh, OK. Et c'est ici. On a besoin d'aller à Chicago pour faire le passeport Pour le passeport, il y a des mesures. Je crois que pour le passeport, il faut aller à Chicago pour faire la demande. Mm-hmm. Mais pour la réception, ça peut être fait ici. Mm-hmm. Pour les cartes d'identité, ça, Christina m'a dit que ça pouvait être fait ici complètement. Oui. La demande. Et je vais le refaire parce que ma carte d'identité, elle a expiré depuis 15 ans. Well, here's something for young people. I discover Wander North, an after-work fundraiser, Thursday, the 29th of September, from 6 to 9. Games in French. You've been there, Frédéric. Wander North, it's a distillery. It's a... What do they do? Alcohol. Hmm? Booze. Booze. Well, they are meeting at a local distillery. And part of the sales will be donated to the Alliance Française. Ooh. Let's drink for a good cause. Drink for a good cause. I never heard that one before. Okay. Classes, all kinds of classes being given at the Alliance. There's even one on Stromae and beyond, exploring pop music, starting October 22nd, Saturday. Fall session this week begins for kids and teens. La Fête de la Gastronomie, Saturday the 24th from 2 to 5 p.m. A great play is in town or in St. Paul. It's a sharp, saucy comedy, September 9th through October 2nd on the proscenium stage. This is called The Liar at Park Square Theater. There is a discount for Alliance Française members. And the play is based on an adaptation of Le Menteur by Pierre Corneille. C'est quand? C'est où? That's at the Park Square Theater in St. Paul. I believe they were close to Mears Park. Oh, okay. Yeah, it is. Yes, it's not right far where the Bastille there. Day right downtown. Happened. Yeah. That's not the night to the 2nd of October. Romeo and Juliet by Gounod, his version, September 24th through October 2nd. The Minnesota Opera will present that. Alliance Française members can receive a discount on tickets to certain shows. Hmm. Also, the Renaissance Festival will be playing and coming up on a Pet Fest on September 17th and 18th. Shamrocks and Shenanigans, and you can get a discount for the Renaissance Festival if you are a member. Et voilà, c'est tout. Oh, shall we have some music? Oui, bien sûr. But first of all, let us tell everyone it is Pledge Day, and it's only one day for Alliance for Bonjour Minnesota. So call in your pledge right now, and you can be included in Doubled. Your pledge is doubled. Doubled plus. Just one great thing about KFAI. If you have an idea for a radio show and you want to do anything, it could be talking to your mom for an hour on the radio. I mean, really. Or you wanted to do a radio show about cats. You could do it on the Wave Project. It's an opportunity to create radio. It's a one-hour radio show. You have an engineer who does everything for you. You just go and you submit a proposal. It doesn't cost any money. It's freedom of speech. This is the type of radio that KFAI is, permitting you to do anything. So I invite you to pledge your support for it. 612-375-9030. Now we have a Belgian singer that Surya Bonaly does like, right? I love him. Mm-hmm. Mm-hmm. So we have a song for you. Who is it that you love? Oh. Ah, Stromae, pardon. Parce qu'il y a tellement de chansons que j'avais plus du tout. I'm not going to do this to you. I'm putting you on the spot. We're doing sign language here. Oui, oui, oui. Marcel Morceau. Il y a Christophe Maé, il y a un truc. Là, j'ai dit, il y a trop de Maé là, d'un coup. Sorry. Here we go. Stromae with Bienvenue chez moi. Mm-hmm. Ces quatre murs en plastique sont pleins de papiers, de tas de piques, de tas de feuilles à moitié mortes, à moitié bourgeons, à moitié fortes. Un jour verte, un jour brune, noir, jaune, rouge et un jour plume. D'humeur légère, d'humeur profonde, d'humeur amère. Bienvenue chez moi. D'humeur vénère, d'humeur sainte, mais aussi vraie donc vulgaire. À la fois brute, à la fois pure, à la fois laxiste, à la fois dure, à la fois basse, à la fois haute, à la fois douce et à la fois rock, à la fois jazz, à la fois rock ou électro. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Chez moi, chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Dans mes quatre murs, il y a des tas de choses. Peu de livres, mais des tas de prose. Trop de pensées pour si peu d'écrits. Et si peu de pays pour tellement de roses. Il y a des salles jaunes, des salles noires, des salles rouges et des salles blancs. Et il y a surtout que des gros bâtards devenus rouges sans. Bienvenue chez moi. Comme moi, comme toi, comme nous. Des hommes chiens devenus hommes loups. Des femmes hyènes voulant être belles. Et encore plus superbes à se rendre fou, à se rendre folle, à se rendre conne, à se vendre bonne, à faire tout. Comme et ces imbéciles, et bien court toujours, et c'est ça l'amour. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Chez moi, chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. This Wednesday on The Listening Lounge. A poet is the key of Somali culture. Miniculture presents Somalian singer Dalmar Yare with Bob's band, performing Dalmar's story songs about life and love. Get into the grooves and hear about the music from Dalmar and Bob this Wednesday evening from 7 to 8 on KFAI's The Listening Lounge. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPERS.org. AMPERS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire, depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Well, we heard there are two songs by Stromae, who is the great new young singer. He is Belgian, popular throughout the world now. He was in Minneapolis. When was that, Fred? You went to see him. It was about 2 years ago. 2 years ago? Yeah. He canceled his last year's yes, he was illness supposed or to, something? Yeah, he was supposed to play at the Meath in Maplewood, and mm-hmm. There was an incident, and he couldn't perform, so... Oh. But he'll be out here on November 4th. Ooh, I just got the announcement, really? Yeah. Oh, we'll unfortunately, see. I can't go, because I'll be out of town, but... Oh, November 4th, I'm yeah. going to be here. I want to see. Will you yeah. be here? Yeah. Here? Yeah. There well, the first song... He sang it. I give you the titles. I don't think so. So my Bienvenue Chez Moi. And that was from his first album called Cheese. And then Formidable from his latest album called Racine Carrée, Square Root. Mm-hmm. Let's go ahead and we'll have a couple of songs by Carla Bruni. Call in now. You don't have much time now to pledge. If you want to be entered in the drawing, and I'm serious, there's only a handful of people that donate to Bonjour Minnesota. And the tonight, anyway, I don't know. Right, but if you donate to Bonjour Minnesota, you get entered in the drawing for the gift certificate to Sanctuary, the Trilon Microcinema. You get all the special prizes if you give at a certain amount. It has to be at least $75. But you will get a letter from us. Yeah, I will tell you, I pledged money to KFAI the first time I heard reggae when I was like 16 years old, and I thought this is the most amazing radio station ever in the 1980s. And then I heard Public Enemy rap, and I thought this was amazing. I had to give money. And they sent me a cheesy little necklace for having contributed and a postcard that was a Vincent Van Gogh postcard thanking me for pledging my support at the age of 16. And I was working at a grocery store. It was so ridiculous. But I loved the radio, and I knew that they always played things I'd hear no place else. So please pledge your support, 612-375-9030, or online at kfai.org. And that will be doubled by our surprise donor, or unknown donor. We are spoiled for that reason. Shall we go ahead and play some Carla Bruni now? D'accord. Let's make sure. What songs do we have? D'abord, Carla Bruni qui chante Little French Song, moitié anglais, moitié français. Mm-hmm. Et ensuite, ça, c'est Pas une dame, pas une dame. Elle ne l'est pas. Et on y va. Quand tout va mal, when life goes wrong, try for a little French song. French song armé, puis démodé, monsieur douce affreux donné. French song art tender, à l'envie, nostalgique à l'infini. Et quand on ne sait plus where to belong, try for a little French song. French song will take you to Paris. Toupigalou, l'île Saint-Louis. French song are dancing sous la pluie de Bastille aux Tuileries. Because we have de quoi frimer. We have Brassens, Brel and Ferré. We have Boris, Vian, Barbara, Gainsbourg, Trenet, Prévert, Cosma. Because we have de quoi choisir. We have Aznavour, Eugénie, Bécou, Nougaro, Moustaki, Edith, Piaf, Glocloen, Jenny. Oui, oui, oui, oui, bien sûr, ce n'est pas Duke Ellington, ce n'est pas Elvis ni Jackson, ce n'est pas Fitzgerald ou Armstrong, c'est just a little French song. Mais quand le chagrin reste tout long, moi je chante une little French song. Because we have de quoi frimer. We have Brassens, Brel and Ferré. We have Boris, Vian, Barbara, Gainsbourg, Trenet, Prévert, Cosma. Because we have de quoi choisir. We have Aznavour, Johnny, Beko, Nougaro, Moustaki, Edith, Pierre, Cloclohen, Johnny. Oui, oui, oui, oui. Et qu'on soit de Londres ou de Hong Kong, qu'on soit trois feuilles chaubong, qu'on soit Jalapa ou Sarong, try for a little French song. Quand les méchants sonnent leur gong, moi je chante une little French song. Je ne suis pas une dame, je ne suis pas une dame. Je ne suis qu'une gamine qui cuve sans vague à l'âme. Mais là, ce sont des faits, mes ongles noirs de terre. Mes genoux écorchés et je rêve comme je respire. Je carbure à la bière et je grime et gitane. Et j'aime crever d'espoir au petit matin d'âme. Et j'aime quand ça roule, quand la houle nous prend l'âme. Mais j'aime quand ça tombe, quand ça croque, quand ça crame. Je ne suis pas une dame, je n'ai pas l'air d'une dame. J'ai plutôt l'air d'un chien, d'une larme, d'un poème. Je suis le du voisin, je suis le torchon du barman, la veuve et l'orphelin, le sultan du harem. Je suis tout petit matin, la dernière goutte de gin, et je suis l'assassin qui dort malgré son crime. Je suis le vieux marin, officier gentleman, et je suis le vaurien que personne ne réclame. Et quand j'aurai 100 ans, et quand j'aurai 100 ans, je vivrai sans programme, je vivrai sans programme, malgré la mort qui rôde. Je danserai jusqu'à l'aube, jusqu'à l'aube. Et quand j'aurai 100 ans, et quand j'aurai 100 ans, je vivrai de mon charme, je vivrai de mon charme, de mon château hanté, de mon château hanté. On viendra me consulter. Oh, je ne suis pas une dame, mon nom ne m'appelle pas madame. Appelle-moi donc ma douce, ma chatte ou ma sirène. Appelle-moi ma farouche ou haletesse comme une reine. Appelle-moi donc ma rousse, ma blonde ou mon ébène. Je suis ton pote Gérard, je suis ta cousine Irène. Je suis le quai du soir qui veille sur la Seine. Je suis le fruit du hasard d'existence incertaine. Je suis le vieux clochard qui crèche à la Madeleine. Et quand j'aurai 100 ans, et quand j'aurai 100 ans, je ferai fi de ma canne, je ferai fi de ma canne, malgré la mort qui rôde, malgré la mort qui rôde. Je danserai jusqu'à l'aube, je danserai jusqu'à l'aube. Et quand j'aurai 100 ans, et quand j'aurai 100 ans, moi je vivrai de mon charme, je vivrai de mon charme, dans mon château hanté, dans mon château hanté. On viendra me consulter. Je ne suis pas une dame, non, pas question d'être une dame. Plutôt mourir d'amour, plutôt louper le tram. Plutôt vivre à rebours, griller dans les flammes. Plutôt devenir vautour ou bien toxicomane. J'aime mieux faire notaire, j'aime mieux faire garçon. J'aime mieux faire sorcière, pucelle ou cul d'un homme. J'aime mieux faire idole, adulte et de ses fans. J'aime mieux faire marquise qui pousse son major dans mon nom. Je ne suis pas une dame, non, pas envie d'être une dame. Ce n'est pas dans mes billes, ce n'est pas dans mes gènes. C'est pas dans ma famille d'étranges énergumènes. C'est pas du tout mon style, c'est pas du tout ma carme. Tant pis si l'on m'accuse, tant pis si l'on me dame. Tant pis si l'on me juge et que l'on me condamne. Tant pis si l'on m'attrape et que l'on m'emprisonne. Au fin fond de ma poche, ma liberté ronronne. Pas une dame. We had Carla Bruni from her album The Little French Songs. With the first one was Little French Song. And after that, we had Pas une dame. And we shall just have a little announcement and be back with a conversation with Sora Bonaly. Because we only have 10 minutes left. Call now to pledge. Oh, 612. Here's another... A pledge? A pledge from Suzanne. In Paris? Yes. Génial, Suzanne. Merci. Merci, de Suzanne. Rien. Oh, incroyable. C'est loin, pourtant. Mm-hmm. Incroyable. Ouais, la radio. Mais on nous écoute par ordinateur. Oui, c'est génial. La technologie, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. Et alors, même ce programme, on peut l'écouter par ordinateur pendant 15 jours. C'est gardé dans les archives. Donc, c'est bien. Si vous avez la famille qui voudrait vous écouter, alors, il faut lui dire. D'accord. Avec plaisir. Mm-hmm. Et merci bien, Suzanne. Merci. About your organization or cause? Check out The Wave Project on KFAI. The Wave Project is a weekly one-hour open access time slot available to any member of the community. It's a perfect opportunity to educate people about your cause. You provide the content, we provide the engineer. Together, we spread the word about your mission. Learn more at kfai.org/waveproject. Our guest here tonight is a great champion of Olympic skating and skating from all over the world, Surya Bonaly. Thanks so much for coming in here. You're welcome. It's a pleasure. It's been a pleasure speaking to you. Et surtout en français. Oui, ça fait plaisir de passer du temps avec vous et parler français. Une très bonne soirée. Et d'accord, et Frédéric aussi est français. Oui. Et d'où venez-vous, Frédéric? Je suis originaire de Paris. Paris, d'accord. Idéal. Oui, le petit idéal. Moi, je suis de Nice, moi, donc. Oui. Oui. Est-ce que vous avez habité à Nice tout le temps ou est-ce que j'ai habité à Nice jusqu'à l'âge de 11 ans. Après, j'ai déménagé à Paris. pour le sport, pour arriver en équipe de France, j'ai dû déménager pour aller au Grand Centre National. Et malheureusement, bah, c'est triste quand quelqu'un part du sud pour aller dans le nord. Donc, et après, je suis partie en Savoie. Après les Jeux Olympiques d'Albertville, je suis partie m'entraîner en Savoie, à Pralognan-la-Vanoise. Donc ça, c'était un très bel endroit pour s'entraîner, un site vraiment très très beau, surtout ce sont les Alpes, donc la montagne, la neige, l'hiver, les stations de ski. Mais c'était vraiment un bon centre pour moi pour m'entraîner. Et après, je suis partie m'entraîner à l'étranger, après aux États-Unis, tout ça. Pour m'entraîner, oui. C'était où, Las Vegas ou... M'entraîner, non, je me suis entraînée à Los Angeles d'abord, puis à Boston. C'était vraiment deux bons centres d'entraînement. Où il n'y avait que des futurs champions olympiques qui normalement s'entraînaient là-bas pour vraiment avoir du haut niveau. Et puis après, je suis restée dans le pays. qu'est-ce qui vous a plu le plus dans le Minnesota? Qu'est-ce que vous aimez le plus au Minnesota? Ça fait qu'un an que je suis vraiment ici et je n'ai pas eu le temps vraiment de tout découvrir. Mais c'est vrai que Minnesota... Par rapport au Nevada, c'est bien vert. Il y a des, il pleut beaucoup d'ailleurs. Je trouve qu'il pleut trop. Comme je dis, j'ai l'impression qu'on est dans le Washington State ou quelque chose. Il pleut tout le temps en ce moment. Mais c'est pour ça que c'est beau. La végétation, c'est bien vert, les arbres, tout ça, c'est super. Tous les lacs, et c'est agréable, c'est sympa. Mais la chaleur me manque. J'aime bien quand il fait bien chaud. Oui, c'était assez frais cet été aussi. Oui, oui. Bon. Vous devez voir les feuilles quand elles commencent à changer. Oui, magnifique. J'ai vu quelques arbres qui commencent à changer. C'est beau l'automne. J'adore la côte est. C'est toujours extraordinaire à voir. De jour en jour, on arrive à voir la différence des couleurs, des arbres. C'est le feuillage. Eh bien, we're on 5 minutes to the end of the show. Oh, we need You've to. You've got to call now if you would like to get in on the... special deals we have, and to show your support for KFAI and Bonjour Minnesota. By pledging your support, you're actually giving the community voice. You're giving people the opportunity to broadcast their opinions, their thoughts, their dreams, their songs that they love, anything they want. Everybody's able to create their own radio program. We have the Balkan Jamboree coming up next. You have musicians from all over the world who come in. I mean, how about that when we had Alchimie, that new and upcoming band from south of France? They were here just like a couple of weeks ago, and they played a concert. It was the first time they were ever in the United States. First time they ever played a concert in the United States, they played here with us. Yeah. That's awesome. They're recording a new album in English in Minneapolis. Right. Mm-hmm. So some great opportunities. So we invite you. We're going to let you call in to pledge your support so you can get into the raffle. Have your pledge doubled. Yep. Everything that anyone pledges right now is doubled. Plus, there's all those great things to win. So call 612-375-9030. Or KFAI.org. Mm-hmm. Shall we have some trio with Serre Moi? Here we go. D'accord. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je t'épuner et tes ailes. Embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant. Te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons de fleur en fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûle leur voile. J'aime les larmes quand tu aimes, la sueur, le sang.